peur du mal. Alcool, cigare, pétard, la brène, la dénaine, accro du samedi soir. 4 heures du mat, je n'ai point sommeil. Je me sens aventurier dans les lumières des cités. Seul, je suis seul. Seul, je suis seul. Seul, la nuit est sans amis. Quatre heures du matin, tombé dans un rade. Derrière son comptoir, il y a la mer maquerelle. Quatre heures du matin, dans la chaleur de la nuit, à la recherche d'un idéal, je ressors son moral. Seul, je suis seul. Seul, je suis seul, seul, ma vie est sans Seul, je suis seul.